C'est la loi du marché. C'est la loi du marché. On fabrique des médicaments comme on fabrique des aspirateurs. C'est la loi du marché. C'est la loi du marché. C'est la loi du marché. C'est la loi du marché. La menace d'attaque bactériologique est prise très au sérieux. La France a décidé d'activer un plan de vaccination. L'illusion est complète quand Babylon complote. On tue dans la tête, pas moyen de porter plainte. Les rues d'OMS promotionnent la grippe. Ripa, moi je riposte quand je prie pas. Plus de 6 milliards d'humains et les banquiers s'alarment. Ils ont vendu leurs armes, le sida et leurs âmes. J'affirme qu'H1N1 ils l'ont conçu dans des labos. Les firmes comme Baxter sont des lobbies pour collabo. Ministère de la santé est au courant mais il la ferme. Quand tu veux divulguer, ils t'éliminent ou ils t'enferment. T'échappes à leurs cow-boys et tu seras mis sous ta mifu. Tu serviras de cobaye quand t'en as dit tu seras mis fou. Allez bâtard, les bâtards et des maladies pour que tu crèves à l'abattoir. C'est pas un cauchemar mais leur rêve. Vas-y cavale, tu veux faire quoi contre la cabale? Leur pastille tu suces, leur sirop t'avale. Une quantité de pathologies vont apparaître sur terre qui pourraient mettre en péril l'humanité entière. Un petit rappel élémentaire sur le codex alimentaire et sa répercussion sur ton système immunitaire. Après la deuxième guerre mondiale, au tribunal de Nuremberg, le président DJ Farben fut accusé de crimes de guerre. À sa sortie de prison, il crée une commission qui sera pour nous le début d'une longue série d'aberrations. Contrôle de l'alimentation sous forme de normalisation, légalisation de produits toxiques et de la malnutrition. On suit la partition, on garde les yeux ouverts dans ma faction quand la réalité dépasse la fiction. Perfusé sous perfidie, leur performance une infamie. Perfusé sous perfidie, leur performance une infamie. Le serment d'Hippocrate est tout un serment d'hypocrite. Gobe leur médoc, ils te mettront dans une fosse sans deck. Ou au crématorium comme la barbaco barbeuc. À l'époque, y'avait la peste ou le choléra. Aujourd'hui c'est la crise et la grippe. On t'agrippe avec nos propos alarmistes. Tu comprends pas que le topo va te faire piquer par ton généraliste. Une nouvelle crise sanitaire et malheureusement à prévoir. En 3-4 ans salutaire, on supplie pas y croire. Allez, deuxième. La malbouffe concentre ton codex alimentaire. Aucun but, attaquer tes défenses immunitaires. La lutte contre le cancer n'est pas une priorité. C'est bourré d'hypocrites, ça fout la médiocrité. Chaque malade rapporte 200 000 dollars à l'industrie pharmaceutique. Rien à foutre de l'éthique quand t'es vendeur d'arbiturique. Tu me crois ou pas, c'est pire que la tombola. Pour les Asiates, le SRAS, pour les Renois, Ebola. Ils sont bourrés de francs-maçons, conspirationnistes. Tous les chefs d'État sont pharmaciens sionistes. Les lâches, ils ont lâché l'archivé, dératisé. C'est pas d'hier que le nouvel ordre mondial est activé. La variole, les dépressions et les allergies, la sclérose en plaques, l'autisme, vas-y réagis. Ils voudraient me faire croire en leur médecine. Quand pour la grippe porcine, ils contaminent quand ils vaccinent. Vaccine. Entre 1950 et 2008, nos aliments ont perdu 50% de leurs nutriments, tu percutes. Un jour les vitamines seront interdites comme le hashish ou l'héroïne. Tu comprends maintenant pourquoi on a tous mauvaise mine. Le codex s'occupe de tout ce qui se mêle également dans ta bouche. Pendant que ceux qui portent des Rolex prennent l'ourette sous la douche. Crois-tu que les ministères veulent pour toi une santé de fer? Les maladies c'est leur affaire. Et quand il y a de l'argent à se faire, chaque citoyen devient un patient qui doit rentrer dans leur sphère. Pendant que tu fantasmes sur un Hummer en écoutant MC Hammer, la médecine de Hammer a de quoi les rendre amers. Médecine nouvelle boy. Côté, marginalisé parce qu'elle a trop de bons côtés, mais n'engraisse pas leur intérêt. La totalité des êtres humains, des animaux sont sous antibiotiques. Les terres agricoles sont remplies de pesticides, d'engrais chimiques, aucune éthique. Manipulation de l'opinion publique pour générer des profits sur la santé publique. Le business pharmaceutique est géré comme les narcotiques. C'est le marché économique qui dicte la liste de conduite. Cop leur médoc, ils te mettront dans une fosse sans deck. Ou au crématorium comme la barbaco barbeuc. À l'époque, y'avait la peste ou le choléra. Aujourd'hui c'est la crise et la grippe. On t'agrippe pas avec nos propos alarmistes. Tu comprends pas, le topo va te faire piquer par ton généraliste. Une nouvelle crise sanitaire et malheureusement à prévoir. En 3-4 salutaires, on supplie pas y croire. Perfusé sous perfidie, leur performance une infamie. Le serment d'Hippocrate n'est plus qu'un serment d'hypocrite. L'imposture de pasteur, une référence ou hélétique. Les labos dictent, les lobbies dopent, les états piquent. La masse est copée, culpée mentale. Médical camisole, dictateur vaccinal. Le troupeau il contrôle. L'alimentation mondiale est une marmite de pétrole. La dégradation du vital est pandémique, plus maximum. On est 3 milliards plus qu'à 50 ans, ça les fait flipper. Trop de vieillards et trop d'enfants, une solution, la stérilité. Nourriture synthétique, pollution magnétique, antibiotiques, engrais chimiques, la science nous nique, sclérose en plaques, Parkinson, Alzheimer, maladie auto-immune, cerveau liquide, on vit plus vieux mais c'est un leurre. Armée de zombies surmédicalisés, les personnes âgées, toxico-pharmaceutiques, génocide légalisé sous barbiturique, alimentation de plus en plus riche en pesticides, leur intention ferme des vieux de plus en plus stupides. Plus tu réfléchis, moins tu consommes, moins t'es cupide, de Sanofi à Danone, une seule éthique on dilapide. Plus tu réfléchis, moins tu consommes, moins t'es cupide, de Sanofi à Danone, une seule éthique on dilapide. On délapide. Tous les chefs d'État sont pharmaciens sionistes. Tous les chefs d'État sont pharmaciens sionistes. Tous les chefs d'État sont pharmaciens sionistes. Vaccine. Bouleversé par l'émouvant hommage que nous avons rendu ici même à Louis Pasteur, le génial inventeur de la rage. C'est moi. De nombreux sous-doués me demandent en quoi consiste exactement la pasteurisation à laquelle le regretté Loulou donna son nom. La pasteurisation consiste à porter des aliments à une température de 75 à 85 degrés centigrades pour tuer les microbes, sans altérer le goût des aliments et sans faire chier les vitamines. C'est pas sorcier. Comme vous le voyez, on peut même pasteuriser des fonctionnaires assermentés. Ce que je préfère dans le poulet, c'est le blanc. C'est là qu'il y a toutes les vitamines.